stick move. Gros chef pas qui c'est, croisère direct à qui t'es. J'suis dans l'opacité, c'est que la survie du monde consiste. Mais l'on vient pas si c'est, posé dans vivacité. Tous mes gars sont des pilotes, j'sais pas si t'as capté. Pour tous mes gars passés, la bombe est posée, ça va pas. Tu nous as vu comme un mirage, on dit c'était dans les virages. On nous en fait pour un miracle de plus, mais la miracle de plus. Tu vas tomber sur des pépins. Y'a tout ce qu'il faut dans le veston. Le zombataire c'est pas Pékin. Rien que ça clope, rien que ça laisse. Ça prend mon zèbre pour un festin. J'ai cramé les cartes, regrette les étoiles. Poteau j'ai foi qu'à mon destin. Nique les paras, nique les orphètes. J'suis bon ta gueule gros j'en ai plein. Le paradis passe par l'enfer. Maman son pêche dans le pétrin. Maman son pêche dans le pétrin. Maman son pêche dans le pétrin. Nique les paras, nique les orphètes. Du bon ta gueule gros j'en ai plus. Je vais péter, je vais péter ce putain de fautif. Si je passe une blague pas la peau, pas la pouki. Dans le bec, dans le pot, tous les jours ouais je suis positif. Client dealer, mais dis-moi qui est le fautif. Mais dis-moi qui est le fautif. Si je passe une blague pas la peau, pas la pouki. Tous les jours ouais je suis positif. Mais t'es bien que je suis pas sportif. Alléluia, y'a tout le monde chez moi. Et regardez celle-là, à quoi tu sens, c'est moi. Au final, personne veut le faire, donc on le fait. Chamoche cause tout seul. Et tu me fais bien rire quand tu fais pas de parano. Je cracherai bien sur lui, c'est pas la vie. Hey, j'aime bien le zéro, je le prends même si j'ai pas la toux. Hey, apprécié par notre petit chatoum. Hardemil, pas un demi. Elle fait la podcast à demi. Fou casse des grecs comme pandémie. Pas pour la frime, nous on se débrouille. Le temps s'écoule et tout se verrouille. La laisser deux pour que ça se développe. J'ai créé les failles, aucune erreur. Fumé la queue jusqu'à pas là. Je poule le tapis sur la terrasse. La mémoire interne, plus d'un terrain. Rare, mais on oui c'est rare. J'ai raidé les blocs de la ville, j'ai fait le tour quand il fait tard. Quand j'étais en bas, tu m'as snobé. Je vais te montrer c'est qui le loser. Tu me fais de la belle roche, ce sourire. L'annonce est claire en couleur. Posé au calme sur la couloir, le tas à côté de WAM. J'profite à fond de cette life avant de regretter quoi que ce soit. Rare, lions-en, oui c'est rare. J'ai raidé les potes de la ville, j'ai fait le tour quand il fait tard. Hey. Je reste sur de bons appuis. Faut garder le rythme. Qu'est-ce qui se passe? Lions-en, t'as pas compris. On t'a giflé en AD, mon équipe faut commenter. Au-delà de ton uniforme, hein, je me sens débile devant toutes ces jolies formes. Comprends pas moi ton langage bizarre, mais c'est de la merde. Je me rappelle même plus de son histoire. On fait la perte, pourquoi on s'esquive? Homme dans Prestine, est-ce qu'il reste un peu de place? Parfait pour moi, parfait pour moi. Moi c'est pas la même. Je m'en ai toujours sur un shit. Voix prophase, relâchée. Jamais tu me verras faire le same text. Le son me colle à la peau comme du same text. J'crois que Lyon et moi on s'aime presque. La ville me colle à la peau comme du same text. Jamais tu me verras faire le same text. Le son me colle à la peau comme du same text. J'crois que Lyon et moi on s'aime presque. La ville me colle à la peau comme du same text. Tu me verras souvent avec la même dex. Le shit colle dans la poche comme du same text. Les grands me disent vite au la scène ville. Faut que tu lui fasses du sexe. Tu me verras souvent avec la même dex. Le shit colle dans la poche comme du same text. J'réponds tant que j'encule tout ouais, comme une ex. Des déceptions, la bibi te rapproche du décepticon. Je suis dans le futur, je serai avec des septicons. Hey, hey, ça vient dans un vélo. C'est pas moi qui pilote, c'est moi qui roule le pilon. On est pas du pilon, elle a du sur ses bancs en nylon. Le futur est silencieux, mais le passé en suspens. Pose pas des questions, je suis là pour tes coups. Je te prends ta hauteur. Je prends ta hauteur. Je prends ta hauteur. Je prends ta hauteur. Même dans ses leurs, bande amateur. Bande arnaqueur. Chétane des monnaies, mes cœurs. Je te casse subit dans mon jean. J'apparais la nuit, je suis indigne. Moi des gamins, j'en ai 2000. J'en ai bien plein dans mon calice. J'en ai des milliers, j'en veux des billets, je veux t'humilier. Toi t'as pas pigé, tu fais que juger, toi tu peux payer. Et ma dégaine. T'inquiète, je peux dégaine. T'inquiète, je peux dégaine, j'en ai pas plus d'un sur tous mes membres. Pose pas de questions, t'as compris la story, je te découpe les membres. Je te découpe les membres. Nos en t'es pas membres. Y'a que la frappe qui me fait coller. Plus je connais les hommes, plus je veux une chienne avec collier. Dans le trip, tu es collier. Mes techs, j'ai épuré. Pour les réduire en purée. Faire du sale, non, match bourré. Je les écoute pas, ils sont pourris. Wap, c'est allé sur le bord comme coulis. J'ai le mort comme Broly. Sexe dans le bolide, Haïti, ma chérie. Je lâche rien, je suis pas chérie. Euro, la devise, le vis, c'est le tournevis. Lyon, zombie. Exauce tes souhaits, tes envies. Lyon, zombie. Exauce tes souhaits, tes envies. Rien à foutre de la ravie. Mon frérot, sur une note de chez Avis. Lyon, drapeau noir sur la marquise. Incendie sur la banquise. Prends tout l'air, laisse les centimes. Incendie sur la banquise. Prends tout l'air, laisse les centimes. Prends tout l'air, laisse les centimes.